Chapitre 5. La pleine mer. Le vent, inégal mais favorable, précipitait avec force ses rafales d'avril. Le Forward fendait la mer rapidement et son hélice, rendue folle, n'opposait aucun obstacle à sa marche. Vers 3 heures, il croisa le bateau à vapeur qui fait le service entre Liverpool et l'île de Man et qui porte les 3 jambes de Sicile écartelées sur ses tambours. Le capitaine le héla de son bord, dernier adieu qu'il fut donné d'entendre à l'équipage du Forward. À 5 heures, le pilote remettait à Richard Shandon le commandement du navire et regagnait son cotre, qui, virant au plus près, disparut bientôt dans le sud-ouest. Vers le soir, le brick doubla le Calf de Man à l'extrémité méridionale de l'île de ce nom. Pendant la nuit, la mer fut très houleuse. Le Forward se comporta bien, laissa la pointe d'air par le nord-ouest et se dirigea vers le canal du nord. Johnson avait raison. En mer, l'instinct maritime des matelots reprenait le dessus. À voir la bonté du bâtiment, ils oubliaient l'étrangeté de la situation. La vie du bord s'établit régulièrement. Le docteur aspirait avec ivresse le vent de la mer, il se promenait vigoureusement dans les rafales, et pour un savant, il avait le pied assez marin. « C'est une belle chose que la mer, » dit-il à maître Johnson en remontant sur le pont après le déjeuner. « Je fais connaissance un peu tard avec elle, mais je me rattraperai. » « Vous avez raison, monsieur Clawbonny. Je donnerais tous les continents du monde pour un bout d'océan. On prétend que les marins se fatiguent vite de leur métier. Voilà 40 ans que je navigue et je m'y plais, comme au premier jour. » « Quelle jouissance vraie de se sentir un bon navire sous les pieds, et si j'en juge bien, le Forward se conduit gaillardement. » « Vous jugez bien, docteur, » répondit Shandon, qui rejoignit les deux interlocuteurs. « C'est un bon bâtiment, et j'avoue que jamais navire destiné à une navigation dans les glaces n'aura été mieux pourvu et mieux équipé. Cela me rappelle qu'il y a 30 ans passés, le capitaine James Ross allant chercher le passage du Nord-Ouest. « Montait la Victoire, » dit vivement le docteur, « brigue d'un tonnage à peu près égal au nôtre, également munie d'une machine à vapeur. « Comment vous savez cela ? « Jugez-en, » repartit le docteur. Alors les machines étaient encore dans l'enfance de l'art, et celle de la Victoire lui causa plus d'un retard préjudiciable. Le capitaine James Ross, après l'avoir réparée vainement pièce par pièce, finit par la démonter et l'abandonna à son premier hivernage. « Diable, » fit Shandon, « vous êtes au courant, je le vois. Que voulez-vous ? » reprit le docteur. « À force de lire, j'ai lu les ouvrages de Perry, de Ross, de Franklin, les rapports de McClure, de Kennedy, de Ken, de McClintock. Il m'en est resté quelque chose. J'ajouterai que ce même McClintock, à bord du Fox, brick à hélice dans le genre d'une autre, est allé plus facilement et plus directement à son but que tous ses devanciers. « Cela est parfaitement vrai, » répondit Shandon. « C'est un hardi marin que ce McClintock. Je l'ai vu à l'œuvre. Vous pouvez ajouter que, comme lui, nous nous trouverons dès le mois d'avril dans le détroit de Davis. » Et si nous parvenons à franchir les glaces, notre voyage sera considérablement avancé. À moins, repartit le docteur, qu'il ne nous arrive comme au Fox en 1857 d'être pris dès la première année par les glaces du nord de la mer de Baffin et d'hiverner au milieu de la banquise. Il faut espérer que nous serons plus heureux, monsieur Shandon, répondit Johnson. Et si avec un bâtiment comme le Forward, on ne va pas où l'on veut, il faut y renoncer à jamais. « D'ailleurs, reprit le docteur, si le capitaine est à bord, il saura mieux que nous ce qu'il faudra faire, d'autant plus que nous l'ignorons complètement, car sa lettre, singulièrement laconique, ne nous permet pas de deviner le but du voyage. »« C'est déjà beaucoup, répondit Shandon assez vivement, de connaître la route à suivre, et maintenant, pendant un bon mois, j'imagine que nous pouvons nous passer de l'intervention surnaturelle de cet inconnu et de ses instructions. D'ailleurs, vous savez mon opinion sur son compte. »« Hé hé, fit le docteur. « Je croyais comme vous que cet homme vous laisserait le commandement du navire et ne viendrait jamais à bord, mais... »« Mais, » répliqua Shandon avec une certaine contrariété, « mais depuis l'arrivée de sa seconde lettre, j'ai dû modifier mes idées à cet égard. »« Et pourquoi cela, docteur ?»« Parce que si cette lettre vous indique la route à suivre, elle ne vous fait pas connaître la destination du Forward. Or, il faut bien savoir où l'on va. Le moyen, je vous le demande, qu'une 3e lettre vous parvienne, puisque nous voilà en pleine mer. » Sur les terres du Groenland, le service de la poste doit laisser à désirer. Voyez-vous, Shandon, j'imagine que ce gaillard-là nous attend dans quelque établissement danois, à Ostenborg ou à Upernavik. Il aura été là compléter sa cargaison de peaux de phoque, acheter ses traîneaux et ses chiens, En un mot, réunir tout l'attirail que comporte un voyage dans les mers arctiques. Je serai donc peu surpris de le voir un beau matin sortir de sa cabine et commander la manœuvre de la façon la moins surnaturelle du monde. « Possible, » répondit Shandon d'un ton sec. « Mais en attendant, le vent fraîchit. Il n'est pas prudent de risquer ses perroquets par un temps pareil. » Shandon quitta le docteur et donna l'ordre de carguer les voiles hautes. « Il y tient, » dit le docteur au maître d'équipage. « Oui, » répondit ce dernier, « et cela est fâcheux, car vous pourriez bien avoir raison, monsieur Clawbonny. » Le samedi, vers le soir, le Forward doubla le meul de Galloway, dont le phare fut relevé dans le nord-est. Pendant la nuit, on laissa le meul de Cantyre au nord, et à l'est, le Cap Fer sur la côte d'Irlande. Vers les 3 heures du matin, le brick prolongeant l'île Rathlin sur sa range de tribord débouqua par le canal du Nord dans l'océan. C'était le dimanche 8 avril. Les Anglais et surtout les matelots sont fort observateurs de ce jour. Aussi la lecture de la Bible dont le docteur se chargea volontiers occupa une partie de la matinée. Le vent tournait alors à l'ouragan et tendait à rejeter le brick sur la côte d'Irlande. Les vagues furent très fortes, le roulis très dur. Si le docteur n'eut pas le mal de mer, c'est qu'il ne voulut pas l'avoir, car rien n'était plus facile. À midi, le cap Malinhead disparaissait dans le sud. Ce fut la dernière terre d'Europe que ces hardis marins dussent apercevoir, et plus d'un la regarda longtemps, qui sans doute ne devait jamais la revoir. La latitude par observation était alors de 55 degrés 57 minutes, et la longitude d'après les chronomètres 7 degrés 40 minutes. L'ouragan se calma vers les 9 heures du soir. Le Forward, bon voilier, maintint sa route au nord-ouest. On put juger pendant cette journée de ses qualités marines. Suivant la remarque des connaisseurs de Liverpool, c'était avant tout un navire à voile. Pendant les jours suivants, le Forward gagna rapidement dans le nord-ouest. Le vent passa dans le sud et la mer fut prise d'une grosse houle. Le brick naviguait alors sous pleine voilure. Quelques pétrels et des puffins vinrent voltiger au-dessus de la dunette. Le docteur tua fort adroitement l'un de ces derniers qui tomba heureusement à bord. Simpson, le harponneur, s'en empara et le rapporta à son propriétaire. « Un vilain gibier, monsieur Clawbonny, » dit-il. « Qui fera un excellent repas, au contraire, mon ami. »« Quoi ? Vous allez manger cela ?»« Et vous en goûterez, mon brave, » fit le docteur en riant. « Pouah ! » répliqua Simpson. « Mais c'est huileux et rance comme tous les oiseaux de mer. »« Bon, » répliqua le docteur, « j'ai une manière à moi d'accommoder ce gibier-là, et si vous le reconnaissez après pour un oiseau de mer, je consens à ne plus en tuer un seul de ma vie. »« Vous êtes donc cuisinier, monsieur Clawbonny ?» demanda Johnson. « Un savant doit savoir un peu de tout. »« Alors défie-toi, Simpson, » répondit le maître d'équipage. « Le docteur est un habile homme. Il va nous faire prendre ce puffin pour une grouse du meilleur goût. » Le fait est que le docteur eut complètement raison de son volatile. Il enleva habilement la graisse qui est située tout entière sous la peau, principalement sur les hanches, et avec elle disparut cette rancidité et cette odeur de poisson dont on a parfaitement raison de se plaindre dans un oiseau. Ainsi préparé, le puffin fut déclaré excellent et par Simpson lui-même. Pendant le dernier ouragan, Richard Shandon s'était rendu compte des qualités de son équipage. Il avait analysé ses hommes, un à un, comme doit le faire tout commandant qui veut parer aux dangers de l'avenir. Il savait sur quoi compter. James Wall, officier tout dévoué à Richard, comprenait bien, exécutait bien, mais il pouvait manquer d'initiative. Au troisième rang, il se trouvait à sa place. Johnson, rompu aux luttes de la mer et vieux routier de l'océan Arctique, n'avait rien à apprendre en fait de sang-froid et d'audace. Simpson, le harponneur, et Bell, le charpentier, étaient des hommes sûrs, esclaves du devoir et de la discipline. L'Icemaster Fokker, marin d'expérience, élevé à l'école de Johnson, devait rendre d'importants services. Des autres matelots, Gary et Bolton, semblaient être les meilleurs. Bolton, une sorte de loustique, gai et causeur, Gary, un garçon de 35 ans, à figure énergique, mais un peu pâle et triste. Les trois matelots, Clifton, Gripper et Penn, semblaient moins ardents et moins résolus. Ils murmuraient volontiers. Gripper même avait voulu rompre son engagement au départ du Forward. Une sorte de honte le retint d'abord. Si les choses marchaient bien, s'il n'y avait ni trop de dangers à courir, ni trop de manœuvres à exécuter, on pouvait compter sur ces trois hommes. Mais il leur fallait une nourriture substantielle, car on peut dire qu'ils avaient le cœur au ventre. Quoique prévenus, ils s'accommodaient assez mal d'être « teetotalers ». Et à l'heure du repas, ils regrettaient le brandy ou le gin. Ils se rattrapaient cependant sur le café et le thé, distribués à bord avec une certaine prodigalité. Quant aux deux ingénieurs, Brunton et Plover, et au chauffeur Warren, ils s'étaient contentés jusqu'ici de se croiser les bras. Shandon savait donc à quoi s'en tenir sur le compte de chacun. Le 14 avril, le Forward vint à couper le grand courant du Gulf Stream, qui, après avoir remonté le long de la côte orientale de l'Amérique jusqu'au banc de Terre-Neuve, s'incline vers le nord-est et prolonge les rivages de la Norvège. On se trouvait alors par 51°37 de latitude et 22°58 de longitude, à 200 miles de la pointe du Groenland. Le temps se refroidit, le thermomètre descendit à 32°, 0°C, c'est-à-dire au point de congélation. Le docteur, sans prendre encore le vêtement des hivers arctiques, avait revêtu son costume de mer à l'instar des matelots et des officiers. Il faisait plaisir à voir, avec ses hautes bottes dans lesquelles il descendait tout d'un bloc, son vaste chapeau de toile huilée, un pantalon et une jaquette de même étoffe. Par les fortes pluies et les larges vagues que le brick embarquait, le docteur ressemblait à une sorte d'animal marin, comparaison qui ne laissait pas d'exciter sa fierté. Pendant 2 jours, la mer fut extrêmement mauvaise. Le vent tourna vers le nord-ouest et retarda la marche du Forward. Du 14 au 16 avril, la houle demeura très forte. Mais le lundi, il survint une violente averse qui eut pour résultat de calmer la mer presque immédiatement. Shandon fit remarquer cette particularité au docteur. « Eh bien, répondit ce dernier, cela confirme les curieuses observations du baleinier Scoresby, qui fit partie de la Société royale d'Édimbourg et dont j'ai l'honneur d'être membre correspondant. Vous voyez que pendant la pluie, les vagues sont peu sensibles, même sous l'influence d'un vent violent. Au contraire, avec un temps sec, la mer serait plus agitée par une brise moins forte. Mais comment explique-t-on ce phénomène, docteur ? C'est bien simple, on ne l'explique pas. » En ce moment, l'Ice Master, qui faisait son quart dans les barres de perroquet, signala une masse flottante par tribord à une quinzaine de miles sous le vent. « Une montagne de glace dans ces parages ? » s'écria le docteur. Shandon braqua sa lunette dans la direction indiquée et confirma l'annonce du pilote. « Voilà qui est curieux, » dit le docteur. « Cela vous étonne, » fit le commandant en riant. « Comment ? Nous serions assez heureux pour trouver quelque chose qui vous étonna. » « Cela m'étonne sans m'étonner, » répondit en souriant le docteur, puisque le brick Anne de Poole de Greenspond fut pris en 1813 dans de véritables champs de glace par le 44e degré de latitude nord et que Diamond, son capitaine, les compta par centaines. « Bon, » fit Shandon, « vous avez encore à nous apprendre là-dessus. »« Oh, peu de choses, » répondit modestement l'aimable Clawbonny, « si ce n'est que l'on a trouvé des glaces sous des latitudes encore plus basses. » « Cela, vous ne me l'apprenez pas, mon cher docteur, car étant mousse à bord du sloop de guerre, le Fly, en 1818, continua le docteur, à la fin de mars, comme qui dirait avril, vous avez passé entre 2 grandes îles de glace flottantes, par le 42e degré de latitude. »« Ah, c'est trop fort !» s'écria Shandon. « Mais c'est vrai, je n'ai donc pas lieu de m'étonner, puisque nous sommes 2 degrés plus au nord, de rencontrer une montagne flottante par le travers du Forward. » « Vous êtes un puits, docteur, » répondit le commandant, « et avec vous, il n'y a qu'à tirer le seau. »« Bon, je tarirai plus vite que vous ne pensez. Et maintenant, si nous pouvons observer de près ce curieux phénomène, Shandon, je serai le plus heureux des docteurs. »« Justement, Johnson, » fit Shandon en appelant son maître d'équipage, « la brise, il me semble, a une tendance à fraîchir. »« Oui, commandant, » répondit Johnson, « nous gagnons peu, et les courants du détroit de Davis vont bientôt se faire sentir. » « Vous avez raison, Johnson, et si nous voulons être le 20 avril en vue du Cap Farewell, il faut marcher à la vapeur, ou bien nous serons jetés sur les côtes du Labrador. Monsieur Wall, veuillez donner l'ordre d'allumer les fourneaux. » Les ordres du commandant furent exécutés. 1 heure après, la vapeur avait acquis une pression suffisante, les voiles furent serrées, et l'hélice, tordant les flots sous ses branches, poussa violemment le Forward contre le vent du nord-ouest. Chapitre 6. Le grand courant polaire. Bientôt les bandes d'oiseaux de plus en plus nombreuses, des pétrels, des puffins, des contremaîtres, habitants de ces parages désolés, signalèrent l'approche du Groenland. Le Forward gagna rapidement dans le nord en laissant sous le vent une longue traînée de fumée noire. Le mardi 17 avril, vers les 11 heures du matin, l'Ice Master signala la première vue du Blink de la glace. Il se trouvait à 20 miles au moins dans le nord-ouest-ouest. Cette bande d'un blanc éblouissant éclairait vivement, malgré la présence de nuages assez épais, toute la partie de l'atmosphère voisine de l'horizon. Les gens d'expérience du bord ne purent se méprendre sur ce phénomène et ils reconnurent, à sa blancheur, que ce blink devait venir d'un vaste champ de glace situé à une 30 miles au-delà de la portée de la vue et provenait de la réflexion des rayons lumineux. Vers le soir, le vent retomba dans le sud et devint favorable. Shandon put établir une bonne voilure et par mesure d'économie, il éteignit ses fourneaux. Le Forward, sous ses huniers, son foc et sa misaine, se dirigea vers le cap Farewell. Le 18, à 3 heures, un ice stream fut reconnu à une ligne blanche peu épaisse, mais de couleur éclatante, qui tranchait vivement entre les lignes de la mer et du ciel. Il dérivait évidemment de la côte est du Groenland plutôt que du détroit de Davis, car les glaces se tiennent de préférence sur le bord occidental de la mer de Baffin. Une heure après, le Forward passait au milieu des pièces isolées de l'ice stream, et dans la partie la plus compacte, les glaces, quoique soudées entre elles, obéissaient au mouvement de la houle. Le lendemain, au point du jour, la vigie signala un navire. C'était le Valkyrien, corvette danoise, qui courait à contrebord du Forward et se dirigeait vers le banc de Terre-Neuve. Le courant du détroit se faisait sentir et Shandon dut forcer de voile pour le remonter. En ce moment, le commandant, le docteur James Wall et Johnson se trouvaient réunis sur la dunette, examinant la direction et la force de ce courant. Le docteur demanda s'il était avéré que ce courant existât uniformément dans la mer de Baffin. « Sans doute, répondit Shandon, et les bâtiments à voile ont beaucoup de peine à le refouler. D'autant plus, ajouta James Wall, qu'on le rencontre aussi bien sur la côte orientale de l'Amérique que sur la côte occidentale du Groenland. « Eh bien, fit le docteur, voilà qui donne singulièrement raison aux chercheurs du passage du Nord-Ouest. Ce courant marche avec une vitesse de 5 miles à l'heure environ. Il est difficile de supposer qu'il prenne naissance au fond d'un golfe. « Ceci est d'autant mieux raisonné, docteur, reprit Shandon, que si ce courant va du nord au sud, on trouve dans le détroit de Bering un courant contraire qui coule du sud au nord et doit être l'origine de celui-ci. D'après cela, messieurs, dit le docteur, il faut admettre que l'Amérique est complètement détachée des terres polaires et que les eaux du Pacifique se rendent, en contournant ses côtes, jusque dans l'Atlantique. D'ailleurs, la plus grande élévation des eaux du premier donne encore raison à leur écoulement vers les mers d'Europe. Mais, reprit Shandon, il doit y avoir des faits à l'appui de cette théorie. Et s'il y en a, ajouta-t-il avec une certaine ironie, notre savant universel doit les connaître. Ma foi, répliqua ce dernier avec une amicale satisfaction, si cela peut vous intéresser, je vous dirai que des baleines, blessées dans le détroit de Davis, ont été prises quelque temps après dans le voisinage de la Tartarie, portant encore à leur flanc le harpon européen. Et à moins qu'elle n'ait doublé le Cap Horn ou le Cap de Bonne-Espérance, répondit Shandon, il faut nécessairement qu'elles aient contourné les côtes septentrionales de l'Amérique. Voilà qui est indiscutable, docteur. Si cependant vous n'étiez pas convaincu, mon brave Shandon, dit le docteur en souriant, je pourrais produire encore d'autres faits, tels que ces bois flottés dont le détroit de Davis est rempli, mélèzes, trembles et autres essences tropicales. Or, nous savons que le Gulf Stream empêcherait ces bois d'entrer dans le détroit. Si donc ils en sortent, ils n'ont pu y pénétrer que par le détroit de Bering. Je suis convaincu, docteur, et j'avoue qu'il serait difficile avec vous de demeurer incrédule. Ma foi, dit Johnson, voilà qui vient à propos pour éclairer la discussion. J'aperçois au large une pièce de bois d'une jolie dimension. Si le commandant veut le permettre, nous allons pêcher ce tronc d'arbre, le hisser à bord et lui demander le nom de son pays. C'est cela, fit le docteur, l'exemple après la règle. Shandon donna les ordres nécessaires, le brick se dirigea vers la pièce de bois signalée et bientôt après, l'équipage le hissait sur le pont, non sans peine. C'était un tronc d'acajou, rongé par les vers jusqu'à son centre, circonstance sans laquelle il n'eût pu pas flotter. « Voilà qui est triomphant !» s'écria le docteur avec enthousiasme. Car puisque les courants de l'Atlantique n'ont pu le porter dans le détroit de Davis, puisqu'il n'a pu être chassé dans le bassin polaire par les fleuves de l'Amérique septentrionale, attendu que cet arbre-là croît sous l'équateur, il est évident qu'il arrive en droite ligne de Bering. Et tenez, messieurs, voyez ces vers de mer qui l'ont rongé. Ils appartiennent aux espèces des pays chauds. Il est certain, reprit Hall, que cela donne tort aux détracteurs du fameux passage. Mais cela les tue tout bonnement, répondit le docteur. Tenez, je vais vous faire l'itinéraire de ce bois d'acajou. Il a été charrié vers l'océan Pacifique par quelques rivières de l'isthme de Panama ou de Guatemala. De là, le courant l'a traîné le long des côtes d'Amérique jusqu'au détroit de Bering. Et, bon gré, mal gré, il a dû entrer dans les mers polaires. Il n'est ni tellement vieux, ni tellement imbibé qu'on ne puisse assigner une date récente à son départ. Il aura heureusement franchi les obstacles de cette longue suite de détroits qui aboutit à la mer de Baffin. Et vivement saisi par le courant boréal, il est venu par le détroit de Davis se faire prendre à bord du Forward pour la grande joie du docteur Claoboni, qui demande au commandant la permission d'en garder un échantillon. « Faites donc, » reprit Shandon, « mais permettez-moi à mon tour de vous apprendre que vous ne serez pas le seul possesseur d'une épave pareille. Le gouverneur danois de l'île de Disco, sur la côte du Groenland, continua le docteur, possède une table d'acajou faite avec un tronc pêché dans les mêmes circonstances. Je le sais, mon cher Shandon. Eh bien, je ne lui envie pas sa table, car si ce n'était l'embarras, j'aurais là de quoi me faire toute une chambre à coucher. » Pendant la nuit, du mercredi au jeudi, le vent souffla avec une extrême violence. Le driftwood se montra plus fréquemment. L'approche de la côte offrait des dangers à une époque où les montagnes de glace sont fort nombreuses. Le commandant fit donc diminuer de voile et le forward courut seulement sous sa misaine et sa trinquette. Le thermomètre descendit au-dessous du point de congélation. Shandon fit distribuer à l'équipage des vêtements convenables, une jaquette et un pantalon de laine, une chemise de flanelle, des bas de vatmel, comme en portent les paysans norvégiens. Chaque homme fut également muni d'une paire de bottes de mer parfaitement imperméables. Quant à Captain, il se contentait de sa fourrure naturelle. Il paraissait peu sensible aux changements de température, il devait avoir passé par plus d'une épreuve de ce genre. Et d'ailleurs, un Danois n'avait pas le droit de se montrer difficile. On ne le voyait guère, il se tenait presque toujours caché dans les parties les plus sombres du bâtiment. Vers le soir, à travers une éclaircie du brouillard, la côte du Groenland se laissa entrevoir par 32 degrés 2 minutes 7 secondes de longitude. Le docteur, armé de sa lunette, put un instant distinguer une suite de pics sillonnés par de larges glaciers. Mais le brouillard se referma rapidement sur cette vision comme le rideau d'un théâtre qui tombe au moment le plus intéressant de la pièce. Le Forward se trouva le 20 avril au matin en vue d'un iceberg haut de 150 pieds échoué en cet endroit de temps immémorial. Les dégels n'ont pas prise sur lui et respectent ses formes étranges. Snow l'a vu, James Ross, en 1829, en prit un dessin exact. Et en 1851, le lieutenant français Belot, à bord du Prince Albert, le remarqua parfaitement. Naturellement, le docteur voulut conserver l'image de cette montagne célèbre. Il en fit une esquisse très réussie. Il n'est pas surprenant que de semblables masses soient échouées, et par conséquent s'attachent invinciblement au sol. Pour un pied hors de l'eau, elles en ont à peu près 2 au-dessous, ce qui donnait à celle-ci 80 brasses environ de profondeur. Enfin, par une température qui ne fut à midi que de 12 degrés, moins 11 degrés centigrades, sous un ciel de neige et de brouillard, on aperçut le cap Farewell. Le Forward arrivait toujours fixé. Le capitaine inconnu, s'il lui plaisait de venir relever sa position par ce temps diabolique, n'aurait pas à se plaindre. « Voilà donc, se dit le docteur, ce cap célèbre, ce cap si bien nommé. Beaucoup l'ont franchi comme nous, qui ne devaient jamais le revoir. Est-ce donc un adieu éternel dit à ses amis d'Europe ? Vous avez passé là, Frobisher, Knight, Barlow, Vaughan, Scrox, Barents, Hudson, Blosville, Franklin, Crozier, Belot, pour ne jamais revenir au foyer domestique. et ce cap a bien été pour vous le cap des adieux. » Ce fut vers l'an 970 que des navigateurs partis de l'Islande découvrirent le Groenland. Sébastien Cabot, en 1498, s'éleva jusqu'au 56e degré de latitude. Gaspard et Michel Cotréal, de 1500 à 1502, parvinrent au 60e. Et Martin Frobisher, en 1576, arriva jusqu'à la baie qui porte son nom. À Jean Davis appartient l'honneur d'avoir découvert le détroit en 1585. Et deux ans plus tard, dans un troisième voyage, ce hardi navigateur, ce grand pêcheur de baleines, atteignit le 73e parallèle à 27 degrés du pôle. Barents en 1596, Weymouth en 1602, James Hall en 1605 et 1607, Hudson, dont le nom fut attribué à cette vaste baie qui échancre si profondément les terres d'Amérique, James Poole en 1611, s'avancèrent plus ou moins dans le détroit, à la recherche de ce passage du nord-ouest dont la découverte eut singulièrement abrégé les voies de communication entre les deux mondes. Baffin, en 1616, trouva dans la mer de ce nom le détroit de Lancastre. Il fut suivi, en 1619, par James Munk, et en 1719, par Knight, Barlow, Vaughan et Scroggs, dont on n'a jamais eu de nouvelles. En 1776, le lieutenant Pickersgill, envoyé à la rencontre du capitaine Cook, qui tentait de remonter par le détroit de Bering, pointa jusqu'au 68e degré l'année suivante. Young s'éleva dans le même but jusqu'à l'île des femmes. Vint alors James Ross, qui fit, en 1818, le tour des côtes de la mer de Baffin et corrigea les erreurs hydrographiques de ses devanciers. Enfin, en 1819 et 1820, le célèbre Parry s'élance dans le détroit de Lancastre, parvint à travers d'innombrables difficultés jusqu'à l'île Melville et gagne la prime de 5 000 livres promise par acte du Parlement aux matelots anglais qui couperaient le 170e méridien par une latitude plus élevée que le 77e parallèle. En 1826, Bichet touche à l'île Chamisso. James Ross hiverne de 1829 à 1833 dans le détroit du Prince-Régent et fait, entre autres travaux importants, la découverte du pôle magnétique. Pendant ce temps, Franklin, par la voie de terre, reconnaissait les côtes septentrionales de l'Amérique, de la rivière Mackenzie à la pointe Turnagain. Le capitaine Back marchait sur ses traces de 1823 à 1835, et ses explorations étaient complétées en 1839 par Messieurs Dees, Simpson et le docteur Ray. Enfin, Sir John Franklin, jaloux de découvrir le passage du Nord-Ouest, quitta l'Angleterre en 1845 sur l'Erebus et le Terror. Il pénétra dans la mer de Baffin et depuis son passage à l'île Disco, on n'eut plus aucune nouvelle de son expédition. Cette disparition détermina les nombreuses recherches qui ont amené la découverte du passage et la reconnaissance de ces continents polaires si profondément déchiquetés. Les plus intrépides marins de l'Angleterre, de la France et des États-Unis s'élancèrent vers ces terribles parages. Et grâce à leurs efforts, la carte si tourmentée, si difficile de ce pays, put figurer enfin aux archives de la Société royale géographique de Londres. La curieuse histoire de ces contrées se présentait ainsi à l'imagination du docteur, tandis qu'appuyé sur la lisse, il suivait du regard le long sillage du brick. Les noms de ces hardis navigateurs se pressaient dans son souvenir et il croyait entrevoir sous les arceaux glacés de la banquise les pâles fantômes de ceux qui ne revinrent pas.